pied de la tour Barbeurs, le vent se lève. On a l'accent qui chante et le cœur en grève. On veut du vrai, du solide, pas du vent. On protégeait notre terre, nos enfants, nos parents. Le village nous appelle de la clap aux étangs. Il est temps de reprendre le gouvernail à présent. C'est pour Grusson, pour notre identité. Gilbert s'engage avec sincérité. Sécurité, gestion et proximité. C'est le programme de la clarté. Entre mer et lacune, on va tout préserver. Pour que demain on puisse encore rêver. C'est pour Grusson, pour notre identité. Gilbert s'engage avec sincérité. Sécurité, gestion et proximité. C'est le programme de la clarté. Entre mer et lacune, on va tout préserver. Pour que demain on puisse encore rêver. Qu'on s'en occupe, qu'on gère avec raison. Pas de dépenses folles, on surveille les impôts. Chaque euro investi doit servir au plus beau. Le commerce local, c'est le sang de nos rues. On veut des artisans, que la vie continue. Les chalets sur pilotis, c'est notre âme, notre histoire. On ne laissera personne nous voler notre mémoire. Moins de béton, plus d'écoute et de bon sens. Donner à chaque quartier sa juste chance. C'est pour Grusson, pour notre identité. Gilbert s'engage avec sincérité. Sécurité, gestion et proximité. C'est le programme de la clarté. Entre mer et lacune, on va tout préserver. Pour que demain on puisse encore rêver. C'est pour Grusson, pour notre identité. Gilbert s'engage avec sincérité. Sécurité, gestion et proximité. C'est le programme de la clarté. Entre mer et lacune, on va tout préserver. Pour que demain on puisse encore rêver. Le 15 et le 22, on choisit notre destin. Pour un Grusson plus fort dès demain matin. Allez, on y va pour le renouveau. Signé bien solide, c'est notre nouveau cap. C'est notre drapeau.